Je voudrais tant que vous ne soyez pas obligé de me vous soyez. J'aimerais tant comme vous voyez que tu n'aies pas à me vous voyez. Mais pour les mots tendres il faut attendre, pas de mots doux avant le mois d'août. Pas de mots doux avant le mois d'août. Tutoie et surtout être tout à toi. Et tu voudrais que je me dévoue à toi sans te dire vous. Mais pour les mots tendres il faut attendre, pas de mots doux avant le mois d'août. Pas de mots doux avant le mois d'août. Je languis de te tutoyer, je voudrais tellement te choyer, mais impossible de nous voyer, on ne peut que se vous voyer. Pour les mots tendres il faut attendre, pas de mots doux avant le mois d'août. Pas de mots doux avant le mois d'août. On ne peut être à tu et à toi, on ne peut se montrer familier. Quand on travaille dans une ambassade, où l'on réglemente les embrassades, pour les mots tendres il faut attendre, pas de mots doux avant le mois d'août. Pas de mots doux avant le mois d'août. On peut se donner à tout va, du salut toi comment tu vas. Comment voulez-vous qu'on soit amant, sous la férule du vous soiement. Mais ça y est, fini juillet, plus de protocole sur ton épaule. V'là les mots tendres sans plus attendre. Les mots doux du beau mois d'août.